Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des podcasts qui reviennent un peu plus directement sur le rapport au corps et notamment sur la santé mentale. Et aujourd'hui nous allons parler d'automutilation à partir de la lecture d'un fanzine disponible sur InfoKiosque que nous allons commenter du coup à deux voix et qui s'appelle Se faire mal, donc Hurting Yourself, et qui est du projet Icarus. Qui est, comme elle se nomme elle-même, un réseau de soutien et de partage par et pour les personnes dont les manières d'expérimenter le monde sont souvent diagnostiquées comme des maladies mentales. Alors, plusieurs trigger warnings sont nécessaires, puisque du coup, nous parlons d'automutilation et de pas mal de sujets connexes. Donc, on va parler de troubles du comportement alimentaire, notamment d'anorexie et de boulimie. On va parler de beaucoup de choses en lien avec des mal-être ou maladies psychiques telles que la dépression. On peut faire quelques allusions, liens avec des agressions à des moments. Et aussi, on va parler, automutilation, donc scarification. Et aussi, de manière plus générale, parfois d'addiction. Et également brièvement de deuil. Voilà un bon projet, mais tout ça dans le soin et la bienveillance. Et justement avec, on vous invite à lire ce fanzine puisqu'il propose plein d'autres solutions. Tu veux commencer à lire ? Ouais, je peux commencer à lire. Donc se faire mal. La présentation du sommaire et donc se faire mal est une pratique courante dans notre société. Savais-tu que beaucoup de gens s'auto-blessent? Rendre visibles les blessures, réduire les risques, comment prends-tu soin de toi? Pas de quoi avoir honte, rituel qui implique des blessures ou de la douleur, se faire mal n'est pas le problème. Qui décide de définir ce qui relève de l'automutilation? Les corps sont les paysages de nos identités ressources. Voilà, donc la première partie, c'est donc « Savais-tu que beaucoup de personnes s'auto-blessent ?» Personne ne sait exactement combien de personnes se blessent elles-mêmes. Beaucoup gardent leur automutilation secrète. Mais nous savons de façon sûre que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes s'automutilent. Tout type de personnes, hommes, femmes, jeunes, vieux. On pourrait rajouter non-binaire, blablabla. Entendre parler des expériences d'autres personnes peut aider. La douleur a depuis tout temps fait partie de nombreuses traditions culturelles et religieuses dans le monde. Le chapitre rituel en donne quelques exemples. Même si toutes ces traditions ne sont pas bénignes, leur existence prouve que l'automutilation n'est pas aussi étrange ou extraordinaire que certains voudraient le croire. Tu peux écouter l'interview de Ruta Maislis en anglais. Elle s'est coupée pendant de nombreuses années et parle de son expérience. Il y a des gens sur les forums du projet Icarus qui s'automutilent ou l'ont fait dans le passé. Et elles parlent de leurs expériences et font part de ce qui les aide. Tu peux lire ces messages ou t'inscrire pour publier tes expériences, au lien renseigné sur la page. Tu trouveras aussi de nombreux témoignages et contributions de personnes qui s'infligent des violences, self-inflicted violence, sur le site de Ruta Maislis. Notamment dans les archives de la newsletter The Cutting Edge. Oui, et du coup, l'inclusif, c'est nous qui le mettons. Oui. Voici quelques-unes des choses que les gens du projet Icarus ont écrit. Savez-vous quels sont les trois types de populations chez qui l'automutilation est le plus courant? Les animaux en captivité, les prisonniers, les jeunes femmes victimes d'abus, en particulier de viols. Personne victime de viol, de manière générale. J'étais persuadée que j'étais moche, et ça m'a conduit à l'automutilation. Je m'automutilais aussi parce que j'avais peur de ma sexualité. C'était une chose simple et claire, sur laquelle je pouvais me concentrer pendant une courte période de temps, qui me ramenait dans le présent. Ça dissipait le brouillard, et à partir de là, je pouvais me purger, pleurer, crier, peu importe, et ensuite m'endormir. Ce fut une expérience vraiment difficile. Comprendre ce que je faisais et que je le faisais pour prendre soin de moi, ce qui est sans aucun doute une bonne chose, fut utile. Me forcer à arrêter ne le fut pas. Saviez-vous que presque toutes les cultures au cours de l'histoire de l'humanité ont utilisé la douleur et le fait d'infliger de la douleur, souvent auto-infligée par des membres de la famille ou des dirigeants religieux, comme rite de passage, cérémonie de guérison, à la fois physique et spirituelle, et cérémonie religieuse? Je me demande encore quelle est la différence entre modification corporelle et automutilation. Y a-t-il une différence? Je ne suis pas si sûre que demander à un étranger de frotter de l'encre contre une plaie ouverte pour $150 soit plus acceptable que de me couper à la maison gratuitement. Je me coupe pour essayer de me contrôler et pour générer des émotions pendant les périodes où je dois gérer mon propre silence. Le comportement d'autoblessure a lieu dans un état « dépersonnalisé », entre guillemets, où le sujet est émotionnellement séparé de sa conscience d'elle-même. Alors qu'il est communément associé aux troubles de la personnalité borderline, toutes sortes de personnes peuvent s'auto-blesser. Est-ce qu'on rebondit par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as des choses à dire par rapport à tout ça? Oui. Bon, au-delà effectivement de la forme de l'écrit qui n'est pas inclusive, ou en tout cas qui l'est de façon très aléatoire, disons que bon, mon intention n'est pas du tout de remettre en question ce qui est un témoignage personnel, mais je suis personnellement un peu interloquée par la toute dernière partie qui est en l'occurrence généraliste dans sa formulation, qui donc affirme que le comportement d'auto-blessure a lieu dans un état dépersonnalisé, où le sujet est émotionnellement séparé de sa conscience de lui-même, du coup. Parce que, bah, moi, dans mon expérience personnelle, ça n'a pas du tout été le cas, et je ne remets pas du tout en cause que ça puisse l'être pour des personnes, mais pour moi, ce n'est pas une vérité générale, puisque ça n'a pas été le cas pour moi, et qu'au contraire, c'était des moments où j'étais tellement en lien avec moi-même que ça faisait mal, et que j'avais besoin de l'exprimer d'une façon physique, somatique, visible et ressentie. Ce que les filles du Young Women's Empowerment Project, donc avec les initiales, vous pouvez le trouver sur YWEP, disent. Certaines filles considèrent aussi le fait de se couper ou de se blesser elles-mêmes comme une forme apaisante de self-care. Cela nous a amené au YWEP à renommer ce que certaines personnes appellent auto-blessure ou automutilation. Nous l'appelons maintenant auto-blessure de résistance. Nous l'appelons ainsi parce que de nombreuses filles qui participent au Girls Fight Back Journal disent qu'utiliser l'auto-blessure de manière contrôlée est une pratique importante pour tenir le coup. Des filles disent qu'elles ne font pas ça pour se blesser. Elles écrivent qu'elles le font pour se sentir mieux. De nombreuses filles ont écrit des histoires de modifications corporelles, comme se faire à elles-mêmes et à des amis des tatouages et des piercings. Des personnes interrogées parlent de se réapproprier leur corps à travers la modification corporelle. Citation. La modification du corps peut signifier l'autonomie du corps pour les filles, selon une participante au journal. D'autres filles écrivent sur les formes plus compliquées d'auto-blessures de résistance, comme se briser des os ou se faire des entailles ou des brûlures sur leur peau. Plutôt que de juger cela comme, entre guillemets, mauvais ou, entre guillemets, dangereux, nous avons décidé d'utiliser la réduction des risques comme une manière de le comprendre. Nous avons respecté le fait que ces filles écrivent ces histoires d'auto-blessures de résistance dans la section, entre guillemets, « Comment guéris-tu ou prends-tu soin de toi ?» de notre journal. Il est important de se souvenir que chacune utilise l'auto-blessure de résistance pour différentes raisons. Par exemple, l'auto-blessure de résistance a été vue comme une manière pour des filles d'affirmer un contrôle de son propre corps. Une fille parle de son auto-blessure de résistance comme étant quelque chose qui lui donne de la force parce qu'elle se blesse elle-même plutôt que quelqu'un, une, la blesse. L'autoblessure de résistance peut être une manière de prévenir ou de sortir de la dissociation. Certaines filles disent que cela peut être une manière de gérer les moments où sont ravivés des souvenirs difficiles parce que cela te ramène dans ton corps et dans le moment présent. Là, ça me donne envie aussi, ouais, de rebondir. Donc là, on dit les filles parce que vraiment, c'était dans le cas contexte du Young Empowerment, Woman Empowerment Project, où visiblement, il n'y avait que des personnes de genre féminin qui témoignaient. Et qu'en fait, ce truc d'auto-blessure de résistance, enfin là, on parle du coup de blessure corporelle, mais en fait, ça me fait penser à ce que moi, j'ai pu voir en sociaux, et enfin, de tout ce qu'on appelle les stratégies de manière générale de résistance, stratégies d'évitement et parfois de combat, et parfois, ça passe par des choses qui sont douloureuses pour soi-même, et en fait, de manière générale, même dans l'espace public, etc., on a plein de comportements qui sont pas forcément, enfin, pris en tant que tels, qui sont pas, qui paraissent pas hyper bénéfiques pour soi ou quoi, mais en fait, qui sont juste des trucs de, bah, ouais, de protection, des mécanismes de protection, que ce soit par l'isolement, par la consommation de substances, par les, enfin, le fait d'éviter, des stratégies d'évitement de certains espaces, de certaines choses, etc. Et qui sont, bah, aussi pour nous-mêmes nous protéger. Et moi, par rapport, en fait, on fait aussi à deux voix parce que, enfin, moi, j'ai pratiqué un peu l'automutilation à certains moments de ma vie, mais de manière vraiment peu approfondie finalement. Mais je fais un lien avec d'autres formes de, bah, d'auto qui sont vues de par le regard extérieur comme autodestruction, vu que j'ai été en anorexie enfin pendant une certaine période de temps, et ça revient, je pense, enfin je sais pas trop comment je me situe par rapport à ça aujourd'hui, et que je sais que enfin moi-même dans mon vécu de l'anorexie, ça a pas été comme beaucoup d'autres personnes, forcément quelque chose que j'ai recherché au début, mais qui après en fait en a fait partie et qui a été pour moi aussi une manière de me défendre de genre bah déjà des maux de ventre en fait que j'avais, etc., qui les suscitaient, puis de me défendre bah d'une indigestion en termes à la fois propres et à la fois figurés de tout ce que je pouvais plus supporter en fait à l'extérieur, et qu'en fait par ces sensations, et pas passer par la sensation de faim, pas passer par la maigreur, pas renvoyer aussi cette image-là, etc., c'est une manière, en fait, de m'exprimer et de me défendre, et en fait, qui m'a... Enfin, qui était un palliatif, voilà, et qui était aussi une façon aussi, à des moments, parce que je ressentais plus la faim, jusqu'à ressentir la faim pour ressentir quelque chose en moi, et qui me permettait de reconnecter... enfin, avec une part de moi-même, donc voilà. Du coup, c'est aussi une forme de façon de me faire du mal, mais pour ressentir autre chose, et du coup, je permets de faire un lien. Je sais pas si toi, t'avais un truc à... Oui, beaucoup de choses, mais je tentais d'être un peu organisée, synthétique. Bon, sur la réaction, sur le témoignage en fait hein, en lui-même, je partage énormément personnellement, et j'ai constaté que beaucoup de personnes avec qui j'ai pu en discuter partageaient ce ressenti de effectivement reprendre ou prendre, dans mon cas c'était plus prendre possession de son corps, et se dire voilà, c'est le moment où je maîtrise. Et où il y a une logique d'ailleurs que je rejoins tout à fait de ce témoignage et aussi du précédent, en l'occurrence, de pour moi les piercings sont une forme, je le dis très personnellement, ne sont pas qu'une forme. Il y a un aspect esthétique, mais il y a aussi une forme de d'automutilation socialement acceptée. En tout cas, bon, pas par tout le monde, mais quand même. Plus que les scarifications, clairement, que j'ai personnellement beaucoup pratiqué. Et notamment, j'ai eu encore, il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, la question d'une personne qui me disait, mais pour tes piercings, tu n'as jamais pris de patch anti-douleur, enfin voilà, d'anti-douleur. Et en fait, ça m'a fait réaliser d'autant plus fort des choses que j'avais pu réaliser furtivement quand je m'étais fait percer, qu'en fait, pour moi, la douleur faisait partie de l'intérêt du piercing sur le moment. C'est-à-dire que j'avais envie de l'esthétique du bijou après, mais j'avais envie, le moment où j'avais envie de me faire percer, j'avais envie de me faire percer littéralement, c'est-à-dire pas uniquement pour le résultat que ça allait donner par la suite, mais aussi pour vivre sur le moment la douleur de quelque chose qu'ensuite j'allais retrouver sur mon corps et que je décidais, qui m'appartenait, qui me définissait en un sens comme moi je le souhaitais. Et voilà. Et pour rebondir pour le coup sur ce que du coup tu disais, je reviens un peu sur des précédentes discussions qu'on a eues sur le fait, enfin où j'ai pu dire sur le moment que des épisodes boulimiques que j'ai pu avoir à une période de ma vie ne rentrait pour moi pas dans le même cadre, puisque pas forcément de modification corporelle dans mon cas, puisque bah il s'avère que ça s'est pas forcément traduit directement par un changement physique. Mais en fait je réalise là en y réfléchissant et en t'écoutant que ben en réalité, je pense que c'est sur le moment, c'était que ça soit arrivé ou pas quelque part, peu importe, mais que sur le moment, pour moi, il y avait, je pense, une façon inconsciente de vouloir me modifier au regard de l'autre par les conséquences de ce comportement alimentaire et en l'occurrence de cacher ce corps que je ne supportais plus pour différentes raisons et de me dire que même si ce n'était pas immédiat, il y avait cette idée derrière qui était quand même en flottement. Voilà. J'ai envie de rebondir à mon tour du coup sur plusieurs trucs que tu as dit. Déjà, effectivement, ce que tu dis sur le piercing, et même les tatouages, c'est considéré encore par certaines personnes, comme des mutilations, mais genre socialement accepté. Mais de base, effectivement, quand tu vois dans les cultures, c'est des choses qui existent dans énormément de cultures, non occidentales aussi, pour plein de raisons différentes, qui ont plein de significations symboliques ou quoi différentes. Et en fait, je me demandais, et c'est vraiment juste là en t'écoutant, le fait que ça soit accepté, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est quelque chose finalement déjà où il y a un truc qui est magnifié dans le sens un bijou etc, donc qui est affiché volontairement, mais aussi qui est fait par des personnes même si on peut se percer soi-même, mais on se dit que il y a en fait un métier autour de ça, donc un commerce autour de ça, donc qui a été en fait au final capitalisé etc, ce qui n'était pas le cas des premiers tatouages et piercings et du coup tout un ordre d'hygiène, enfin tout un truc, et du coup qui s'est vachement répandu dans la société, alors que la scarification elle est encore très, enfin déjà c'est pas quelque chose qui, enfin voilà, il y a pas de truc qui est vraiment revendiqué comme pour être magnifié etc à l'extérieur, et on va pas voir des gens pour se faire couper etc. Si justement, pardon, j'ai vraiment envie de là de faire une petite parenthèse qui va être courte puisque c'est un peu une question lâchée en l'air et je n'ai pas du tout la réponse ou d'éléments plus précis là-dessus, mais justement je trouve ça très intéressant de se pencher sur la scarification opérée par des professionnels, donc des perceuses ou des tatoueuses qui font des scarifications, qui performent des scarifications sur les personnes à leur demande bien sûr, qui représentent des formes ou des dessins le plus souvent, mais même pas forcément en fait. Et je trouve que c'est très intéressant la réaction, d'observer la réaction des personnes appartenant, on s'entend, au milieu qui ne considèrent pas les tatouages et les piercings comme des mutilations, et qui sur la scarification opérée par les mêmes professionnels. Mmh. Et à viser souvent esthétique. Voilà, moi par exemple, le premier exemple que j'ai vu, c'est quelqu'un qui s'était fait, je sais même pas en fait le terme qui est utilisé par les personnes concernées, là c'est mon erreur d'ailleurs, il faut que j'aille chercher, mais qui se faisait scarifier ou qui se faisait apposer sur la peau par scarification un dessin de dragon par exemple, mais fait par des personnes extérieures professionnelles, et où je trouvais ça très intéressant de voir que même la personne la plus percée, la plus tatouée, qui ne se posait absolument aucune question là-dessus, eh bien, j'en ai parlé avec plusieurs personnes dans ce cas-là, qui avaient du mal quand même à mettre cette forme de modification corporelle dans le même sac que les tatouages ou les piercings. Mmh. Qui étaient quand même, alors qu'ils jugeaient pas forcément les scarifications, j'allais dire comme on les connaît par ailleurs, qui ne jugeaient pas, mais qui ne considéraient pas ça comme quelque chose d'esthétique, pas comme au même niveau que les tatouages ou les piercings, et qui, sur la scarification opérée par les professionnels, étaient un peu perdus sur quoi penser et quoi livrer comme opinion là-dessus. Voilà. Ouais, ça me fait penser à toutes les formes de body art aussi qui sont faites avec des à partir de coupures, etc., et à quel point, enfin, même chez les grands adeptes de l'art contemporain et tout, c'est encore, enfin, sujet à caution, mais parce que direct c'est renvoyé à quelque chose de très de l'ordre de la souffrance psychologique, physique, etc. Et à parfois même à des messages politiques sur le corps. Mais en fait, ce qui était en un sens aussi le cas, genre des piercings et des tatous en Occident, soit par dans les mouvements punk ou quoi, mais qui le disaient pas forcément directement tel quel, mais qui étaient aussi associés à tout un tas d'autres pratiques et à une contre-culture et à une critique sociétale. Tu cherches quelque chose? Je sais pas. Et j'avais envie de rebondir sur et puis même dans les piercings et les bijoux en tant que tels, enfin par exemple, il y a pas du tout le même regard sur les piercings et sur les boucles d'oreilles, enfin qui sont une forme de piercing finalement, mais comme c'est un, enfin voilà, il y a vraiment des trucs de, je sais pas, d'histoire, de classe et tout derrière aussi. Et qui, de plus en plus, les piercings sont, et les tatouages sont de plus en plus acceptés, en tout cas dans notre société, là, par exemple, française et tout. Mais voilà, et selon les différentes parties du corps, c'est jamais le même. Juste attention à la chaise, parce que ça va faire plein de petits bruits. Pardon. T'inquiète. Et pareil, par contre, je partage aussi la même expérience. C'est une expérience qui revient beaucoup chez des personnes qui sont tatouées ou percées, de vouloir ressentir ce truc de l'encre ou du piercing, etc. Et moi aussi, c'était hyper important, genre, parce que pour moi, le tatouage avait aussi cette symbolique-là quand je me suis fait tatouer entre les omoplates, donc c'était mon premier tatouage, et je voulais vraiment ressentir genre ce dessin-là qui s'imprimait, et ressentir ce que ça faisait, etc. Dans ma peau, en sachant que ça allait rester toute ma vie et tout, et genre que du coup c'était une façon de me réapproprier, parce que c'était justement pile un moment où genre j'étais dans un rapport particulier à mon corps. Donc voilà. Mon corps sans contour, mes remords sans amour, mes morts en détour arborent leurs vautours. Entre deux flots, entre deux vies, la peur des maris, tétanisée par Thanatos, terrorisée par Eros, étreinte des marrants. À se marrer, miroitant la mer miracle, la vie pesante non appelée. J'ai peur des ombres qui m'interpellent, des portes qui pleurent par courant d'air, des boulevards et des artères explosent en sang. Donc le prochain paragraphe s'appelle « Rendre visibles les blessures ». Imagine différents types de blessures. Quelles sont celles qui « comptent » entre guillemets comme blessures et celles qui ne comptent pas? Qui va décider si une blessure compte ou pas? Est-ce qu'un une enfant, là je précise, l'inclusif est dans le texte, t'a déjà montré fièrement un pansement multicolore, ou insisté pour en avoir un, même pour la plus petite égratignure? N'as-tu jamais laissé une dédicace sur le plâtre d'un une amie? As-tu déjà demandé à quelqu'un une comment c'était, comment elle s'était fait telle cicatrice? Alors tu sais que la visibilité joue un rôle dans la manière de traiter le fait d'avoir été blessé. Les blessures physiques peuvent être visibles de différentes façons. Marques rouges, membres manquants, gonflements, paralysie. De la même façon, prendre soin, faire face, guérir, peut avoir une expression visuelle. Bandage, croûte, bandage plâtré, cicatrice, point de suture, béquille. Mais comment rendre visibles ces blessures-là? Promesses non tenues, dissociation, espoir brisé, perte, relation brisée, défaite, occasion perdue, changement, mauvais choix, peur, déception, confusion. Comment soigner les blessures invisibles? Comment en parler? Comment les commémorer? Comment exprimer qu'elles ont fait ce que nous sommes aujourd'hui? Comment visualiser la guérison? L'automutilation est généralement vue comme une réponse à un traumatisme. Mais quand un traumatisme ne peut pas être exprimé, d'autres formes de communication deviennent nécessaires. En tant que communication gestuelle, l'automutilation peut réorganiser et stabiliser le monde de la victime de traumatisme, donnant une voix à la peau quand la véritable voix est interdite. Janice MacLean, The Voice of the Skin, 1996. Là, du coup, je vais redire un peu ce qu'on s'était dit hier en commençant à lire. Enfin, là, pour moi, il y a aussi un lien avec beaucoup de formes, bah, de, notamment d'anorexie, qui est ce que je connais le mieux. Alors, il y a des personnes qui tombent dans l'anorexie en recherchant effectivement une minceur parce que société grossophobe, etc., ou mal-être, ou juste aversion pour la nourriture. Enfin, il y a plein de raisons, etc. Moi, dans mon cas, c'était vraiment pas du tout une recherche au début, mais après, en fait, c'est quand j'ai vu ce que socialement ça faisait, que bah, c'était pris en compte, et qu'en fait, toute la... Parce que... Bah, du propre de la psychophobie aussi, c'est que bah du coup comme c'est des maladies qui ne se voient pas directement ou des mal-êtres qui ne se voient pas directement, et ben c'est toujours décrédibilisé, peu pris en compte, etc. Et ce qu'on voit très bien dans l'allocation des aides, ce qu'on voit au quotidien, ce qu'on voit dans toute le discrédit qui est jeté sur la dépression, etc. Et moi, mon mal-être et tout ce que je pouvais ressentir, en fait, n'était pas écouté en tant que tel, et n'était pas cru, ou enfin, dès qu'on me voyait dans d'autres modes, dans d'autres humeurs, etc., c'était pas pris en compte, en fait. Et du coup, bah, en fait, c'est juste quand, malgré moi, j'ai perdu du poids, que les personnes ont commencé à accorder du crédit parce que ça s'est vu et en fait se sont fait du souci juste parce que mon corps renvoyait, alors qu'en fait il y a plein de raisons, il y a plein de métabolismes différents et encore une fois pareil, il y a plein de façons différentes de, c'était pas juste le comportement, le fait de pas manger, c'était genre de pas manger dans un certain contexte et ou de moins manger que d'autres personnes et d'être vraiment maigre parce que genre tout ce qui est assaise, etc., ou machin, enfin les gens et même les médecins, celle-là ça croise toute la psychophobie, ne s'arrêtaient pas à juste avant même de savoir comment ça allait d'un point de vue cardiaque, de mes analyses de sang, etc., juste mon poids dérangé, enfin ma masse corporelle plus maigre dérangée sur un autre plan que les corps gros dérangent, donc là c'est encore une autre forme de violence qui est souvent même beaucoup plus explicite et directe, mais moi ça dérangeait parce que ça, enfin l'IMC était devenu genre une règle en tant que telle, et le fait de se dire que je prenais pas, que je me nourrissais pas de la même façon que d'autres personnes, alors même qu'il y a plein d'autres formes d'assaise, que ce soit religieuse, spirituelle, etc., mais là c'était lié à une maladie, c'était lié à quelque chose qui était vu, qui était pathologisé, parce que vu un problème par rapport à la nourriture. Et donc là, comme ça existait et que c'était visuel, bah, ça a dérangé, c'était pris en compte. Et par contre, à l'inverse, on voit dès que des personnes qui ont perdu du poids reprennent du poids, qui elles se considèrent comme anorexiques ou pas, et ben elles sont félicitées pour ça, alors même que bah en fait parfois elles le vivent super mal. Enfin c'est très très difficile de surtout pour les personnes qui font de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qui voient, qui ne visualisent, enfin qui voient leur corps comme beaucoup plus gros qu'elle ne l'est, ou déformé, etc., qui n'arrivent pas à se voir et qui sont dans une forme du coup de dissociation, etc., et qui ont très très peur de ne plus contrôler ça. C'est extrêmement violent quand c'est un angoisse, quand on a cette angoisse, cette maladie, que ça soit l'anorexie ou d'autres formes qui sont liées à une grossophobie intériorisée, mais qui sont hyper violentes sur soi, ben en fait, être envoyé au fait qu'on a pris du poids, mais il n'y a rien de pire, en fait. Et de même, alors moi, c'était pas directement par rapport à la prise de poids, mais quand on me voyait enfin manger ou quoi, eh ben hop, mon mal-être n'existait plus, et les gens étaient rassurés, et me disaient que tout allait bien, et du coup, bah, je n'avais plus de légitimité dans l'expression de mon mal-être. Et du coup, bah, c'est hyper malsain, parce que si je voulais être entendue, là où tous mes discours politiques, tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais exprimer n'était jamais écouté, il y avait que quand on me voyait maigre ou ne pas manger que c'était écouté, et si on me revoyait manger ou quoi, bah c'était plus écouté, et du coup bah ça m'incitait à quoi, bah juste encore plus me restreindre pour pouvoir avoir une parole légitime, et du coup c'est hyper malsain, hyper hyper fucked up de la part, et là ça montre encore une fois voilà une forme d'hypocrisie sociale de manière générale, où on veut pas entendre et on veut pas voir genre ce qui va mal, et du coup on est tant qu'on n'a pas de truc physique apparent qui le montre, et après c'est facile de dire ah bah du coup tu fais ça pour attirer l'attention, etc., mais en fait tout le monde fonctionne comme ça, et en fait ça veut pas dire qu'il y a pas un vrai mal-être derrière, c'est juste qu'on se rend compte qu'en fait il y a que quand il est visible que bah vous le prenez en compte, en fait. Bah, je te rejoins tout à fait sur cet aspect-là de visibilisation en fait de la souffrance psychique, d'avoir l'impression finalement, enfin en tout cas là je fais le lien avec du coup ce que je retire aussi de ce texte qu'on vient de lire, de oui, finalement, tout simplement, j'ai commencé personnellement à me scarifier quand j'étais en dépression, et c'est effectivement les scarifications qui ont attiré le plus d'attention, alors que c'était sans doute la phase la moins pire de ma dépression, parce que justement, déjà, finalement, le fait que je me scarifie était à la fois une forme quand même de communication, où contrairement aux 5 années précédentes où je faisais tout pour que le mal-être que je ressentais ne se voie pas, ou le moins possible, là finalement c'était aussi inconsciemment, mais de façon très présente, une façon de revenir à la communication avec les autres, dans le sens une volonté de leur communiquer le fait que ça n'allait pas, et où effectivement c'est ça qui a été pris en compte bien plus que les années précédentes, qui étaient beaucoup plus difficiles pour moi. Et oui, je pense que ça peut être en tout cas un moteur assez important à mon sens de la modification corporelle, plus ou moins même plus ou moins ponctuelle, plus ou moins consciente, mais de se dire voilà, on est quand même dans une société où c'est extrêmement ancré, en France en tout cas, et malheureusement dans beaucoup de sociétés actuelles, quand même si on s'ouvre sur des approches un peu plus bah, qui prennent un peu plus en compte en fait la santé, le bien-être psychique, on reste quand même dans une médecine occidentale très axée sur le somatique, qui serait le seul mal-être en fait qui vaut, et où il y a beaucoup ce truc de voilà, quand on se sent mal psychiquement, bon, ça peut être toléré un moment, mais quand même très rapidement ça devient gênant s'il n'y a pas de manifestations ou de conséquences physiques, parce que c'est quand même très vite vu comme, bon, ok, t'es pas bien un temps, mais après, si tu restes pas bien, c'est que tu fais pas d'efforts, quoi. Ce que d'ailleurs, petite parenthèse que je ne peux pas m'empêcher de caler là, en tant que futur soignant, notamment, je déplore très profondément la logique qui se met de plus en plus en place dans la psychiatrie, entre autres, du DSM, donc Diagnosis Statistical Manual, qui est donc un manuel qui classifie les troubles psychiatriques et psychiatriques et psychologiques d'ailleurs, bien qu'il se dise manuel psychiatrique, et qui notamment, parmi de nombreuses problématiques de cet ouvrage, eh bien, pose des délais selon lesquels on pourrait, voilà, être triste ou être mal psychiquement pendant tel temps, après tel événement. Mmh. Et si on dépasse ce cadre, on sort de la norme et on devient finalement mentalement marginalaux. Ce qui est terrible et ce qui est une, je pense, une des pires façons de considérer la santé mentale, en fait, le bien-être mental, et aussi d'ailleurs le bien-être physique, mais c'est un peu un autre débat, mais voilà, je pense que c'est une logique qui ne va pas du tout dans mon sens, en tout cas, qui confirme le fait que finalement, les symptômes, entre guillemets, psychiques sont toujours relégué quand même au second plan et finalement considéré comme un paramètre qui relève de la volonté. C'est le fameux « c'est dans ta tête », les méthodes comme les trucs de développement personnel et tout, que genre en fait c'est en te concentrant sur toi que tu peux réduire tes angoisses par toi-même et arrête de stresser, blablabla. Mais en fait... Alors en fait, on a plein de raisons de pas être bien, genre de manière systémique, tout est fait pour qu'on soit... on est complètement plongé dans un univers où on n'a pas les codes dès la naissance, etc., où il y a plein de trucs qui sont bancaux et qui nous heurtent et qui nous font du mal. Et en fait, c'est logique, en fait, de, quand on se rend compte de tout ça, de pas aller bien et de pas fonctionner, enfin. Et d'ailleurs, les mallettes nourrissent aussi beaucoup l'industrie pharmaceutique, donc genre tout comme les dépressions, etc., mais qui sont pas considérées encore comme vraiment des vraies maladies. Et c'est encore difficile de se faire arrêter pour ça, plus toutes les injonctions qu'on a, intériorisées soi-même, parce que société productiviste, etc. Et tant que physiquement, on n'a pas l'impression d'être contraint, et ben on pousse, et d'où l'envolée du nombre de burn-out, etc. Et après, il y a aussi tout le truc, le fait de différencier même, qui est très occidental, du coup, depuis la fameuse révolution cartésienne de la Renaissance, le corps et l'esprit, et de considérer que, comme tu disais, genre, le somatique comme dissocié de ce qui se passe dans la tête, alors qu'en fait, c'est deux choses qui sont connectées. Et quand on dit qu'on somatise quelque chose, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'en fait, déjà, il y a des neurones et tout dans plein d'autres endroits de notre corps, et c'est normal de réagir, en fait, au coup psychique, on prend coup COUP, comme COUD aussi d'ailleurs, que notre corps manifeste ça, et en fait, notre corps, c'est pas juste une enveloppe, il est fait de tous ces stress, de tous ces hormones, de tous ces trucs chimiques, physiologiques. Et ce qui nous atteint neurologiquement ou voilà, psychiquement, ça en fait partie. Du coup, voilà. Et après, je me demandais par rapport au manuel, à ce que tu disais là, c'est aussi valable pour le deuil, non? Que genre, il y a des périodes de... Je crois que j'avais lu ça dans un... C'est d'ailleurs le premier truc auquel je pensais en disant ça. Le deuil... alors, je ne saurais plus décrire toutes les étapes, mais il y a 5 étapes. Je me souviens du nombre, mais plus des titres de chaque étape, par lesquels on doit, j'allais dire on se doit, mais on doit en fait, passer, selon le DSM, qui sont déjà très identifiés, et aussi quantifiée dans le temps. C'est-à-dire, on doit passer tant de temps sur telle étape, tant de temps sur telle autre étape. Et notamment, une des choses qui m'avait heurté énormément et interpellé, c'est que si la phase de tristesse dépasse 6 mois, on est considéré comme atteint de pathologie dépressive. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du DSM 5. Et qui, pour contextualiser, est un manuel qui est réédité tous les 5 ans, dont la première édition est parue en 1960. Typiquement, c'est un très bon exemple, mais qui est valable sur plein d'autres aspects des mal-être psychiques qu'on peut ressentir, qui est à la fois donc pathologisant, puisque il conduit directement à dire, voilà, si on dépasse un certain seuil, en fait, on bascule dans le pathologique, alors sans savoir très bien ce que ça veut dire d'ailleurs dans ce contexte, enfin sans que ça soit très défini, j'entends. Et aussi, enfin, qui fait voilà un peu d'une pierre deux coups en pathologisant et en limitant du coup l'expression non pathologisée. Donc j'ai envie de dire pour moi sous-titre dont on ne sait pas trop quoi faire. Qui s'exprime qu'on essaie de contenir dans un intervalle de temps gérable où bon là pour 6 mois on peut accepter le flou, mais après quelque part c'est après il faut se décider. Il y a cette injonction là pour moi qui résonne énormément et dont effectivement le deuil est un très bon exemple. La quantification du deuil, la cotation du deuil par le DSM est un très bon exemple, je trouve. Et tout ce qu'on garde au fond de soi, et les violences des autres que soi, et la peur de reproduire, toujours la peur de plus voir venir, et la violence qui passe en nous, qu'on craint de plus contrôler du tout. Je me dessine en moi-même, je respire en alerte, et pendant que mes organes pèsent, le poids du monde se désaltère, l'air du temps fane, vanne, crâne, et quand je frissonne sous terre, mes airs de nonne partent en guerre, le silence sous couette effrayé de trop apparaître, chaque bouffée d'air est une altère. C'est nicotine qui me prend, nicotine qui m'enlève, esprit hors corps. Appris. Donc le paragraphe suivant s'appelle « Pensez à la chirurgie placebo ». La chirurgie placebo consiste à couper de la peau, des tissus et même des os, tout comme dans la véritable chirurgie, mais sans réaliser un véritable objectif chirurgical. Dans de nombreux cas, les personnes iront mieux, exactement comme si elles avaient reçu une véritable opération de chirurgie. Pourquoi la chirurgie placebo aide-t-elle ? J'avais désespérément besoin de voir que je pouvais guérir. Alors je me suis découpée, je me suis brûlée, et je me suis regardée guérir. Inga Musio, Slash and Burn. Tu veux rebondir ou... assez rapidement, mais simplement sur le fait que encore une fois c'est un témoignage personnel donc qui ne se remet pas en question pour moi. Ceci dit, je serais curieux de connaître la définition de la personne de véritable chirurgie, véritable opération de chirurgie, parce que pour moi la chirurgie n'est pas définie dans ma tête comme un traitement. C'est un mode opératoire. Donc qu'est-ce qu'une véritable chirurgie ? Est-ce que par là la personne entend une chirurgie à but curatif, une chirurgie à but palliatif ? Est-ce que c'est ça que la personne entend par véritable chirurgie ? Voilà. C'est intéressant que placebo alors qu'en fait du coup on pourrait dire juste esthétique. Oui, sauf que en fait c'est pas sauf que là encore ça renvoie à des codes sociaux parce que du coup au final c'est le même truc, enfin quand tu te fais opérer du nez, tu fais une chirurgie esthétique pour que ton nez soit conforme plus à une norme sociale. Mais en fait, tu fais pas du coup une chirurgie de traitement parce que ton nez, enfin, n'est pas forcément, enfin, ne t'empêche pas non opérationnel ou ne te cause pas de souffrance purement physique. Mais il y a peut-être une souffrance psychique de genre, voilà, de comment tu te sens dans la société et tout avec ce nez-là. et comme plein d'autres parties du corps. Et du coup, c'est considéré comme esthétique pour parce que l'esthétique renvoie à un truc social, et de la même manière que se couper à un endroit parce qu'on se sent mieux comme ça, ou qu'on n'aime pas cette partie, ou qu'on a envie, pour peu importe quelles sont les raisons, mais si c'est pas directement pour cette partie-là a besoin pour fonctionner ou pour arrêter de passer sous la chirurgie, bah en fait au lieu de juste placebo, enfin le mot placebo est hyper fort, il renvoie vraiment à un truc faux. Ouais, à un truc qui serait faux et qui serait genre faire ça au lieu d'autre chose. Et en fait ça fait partie, bah ouais, c'est de la chirurgie esthétique finalement aussi. Mais c'est juste qu'elle est pas qualifiée d'esthétique parce que elle est pas reconnue socialement comme esthétique, quoi. Et qu'elle vise pas à être vue nécessairement pour être admirée en tout cas. Réduire les risques. Réduire les risques signifie qu'il y a des façons de prendre soin de toi, même si tu penses que tu ne peux pas ou ne veux pas arrêter un comportement potentiellement risqué. Si tu bois de l'alcool, par exemple, tu peux t'assurer de ne pas conduire en même temps. Si tu prends des drogues, tu peux t'assurer d'utiliser les aiguilles et des seringues propres. L'idée est de réduire les risques autant que possible, tout en préservant les effets désirés. Même en voulant te faire du mal, tu ne souhaites peut-être pas te causer des dommages permanents. Il y a plein de manières de réduire les risques quand tu te blesses. Ce qui va marcher pour toi dépend de quel aspect de l'expérience est le plus important pour toi. Par exemple, si la douleur est le plus important, il existe de nombreuses façons de sentir la douleur qui pourraient peut-être causer moins de dommages à ton corps sans que ce que tu pratiques maintenant. Si le saignement est le plus important, tu peux t'assurer de ne pas sectionner une artère de sorte que ça ne devienne pas une question de vie ou de mort. Si tu te coupes, tu peux utiliser un couteau, une lame propre, et éventuellement désinfecter ta peau avec de l'alcool par exemple. Si ce ne sont... Ah, attention aux échanges aussi de matériel. Si ce sont les marques sur ta peau, les cicatrices le plus important, tu pourrais essayer de voir si le fait d'écrire ou de peindre sur ton corps t'aide, ou peut-être de te faire tatouer ou percer, ou d'autres transformations corporelles. Certaines personnes disent qu'elles aiment modifier leur corps, le personnaliser pour se sentir à la maison. Tu peux aussi réduire les risques en prenant soin de toi après t'être blessé. Tu peux calmer, désinfecter ou bander tes blessures. Tu peux dormir ou te reposer. Si besoin, tu peux aller aux urgences. Souvent, les personnes sur place ne peuvent pas comprendre, et elles peuvent te mettre en hospitalisation pour quelques jours, y compris contre ta volonté. Mais être intimidé par les urgences ne devrait pas t'empêcher de prendre soin de toi lorsque les dégâts sont trop importants pour y faire face toi-même. Si tu autorises quelqu'un d'autre à te blesser, mettez-vous d'accord sur un mot de sûreté qui signifie « stop immédiatement ». Tu peux essayer de remplacer entièrement le fait de te faire mal par de l'exercice ou de la relaxation ou quoi que ce soit qui fonctionne pour toi. Peut-être que la section « Comment prends soin de toi » te donnera quelques idées. Voilà. Et là, du coup, ouais, je pense que le truc « stop immédiatement », bah, ça fait directement penser, enfin, un lien, par exemple, avec toutes les pratiques de BDSM. Donc, bandage, c'est quoi les... Bandage, sadomasochisme. Ouais. Où effectivement, il est toujours conseillé, enfin, c'est parmi les premiers trucs qui sont dits entre les différents partenaires, déjà de définir le cadre, qu'est-ce qu'elle souhaite, où, quand, comment, etc. Et d'avoir un safe word, donc un mot clé pour arrêter ou quand ça devient trop dangereux, etc. Donc c'est comment encadrer en fait et contrôler son action. Voir selon les pratiques aussi un safe, alors je ne sais pas si le terme existe, mais un safe geste ou quelque chose, parce que voilà, s'il y a des pratiques qui empêche la personne de parler, ce qui peut être assez courant. Il n'y a pas forcément la possibilité d'installer le safe word, techniquement. Et du coup, ça peut aussi être, voilà, convenir d'un signe, n'importe quel, en fait, code qui puisse faire comprendre à l'autre très rapidement, là, tu t'arrêtes. Et... Ouais, carrément. Et après, pareil, enfin, moi, je sais que par rapport à enfin ma propre manière de d'appréhender genre quand j'ai quand ma maladie j'ai enfin du coup l'anorexie enfin et les TCA de manière générale donc trouble du comportement alimentaire et aussi la dépression enfin en fait genre je sais quelles substances ou quelles choses en fait me permettent de pallier, mais elles-mêmes, ces substances parfois peuvent être dangereuses ou me mettre dans des situations à risque, et du coup, je réfléchis toujours à des moyens, et du coup, bah, par exemple, genre, avoir un certain nombre de nourriture sur moi, c'est toujours important, tout le temps, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, bah, je peux en avoir besoin, etc. Aussi bah avoir des personnes sources à qui je peux en parler, ou qui vont respecter, pouvoir dire s'il y a tel ou tel mot qui me trigger, comme on dit, qui m'impacte, etc. C'est, oui, encadrer tout ça. Et, bah, par exemple, j'ai une autre amie qui était aussi dans une autre forme d'anorexie et qui savait ne pas pouvoir en sortir, mais qui, du coup, allait faire des... aller en hospitalisation de jour au moins une fois par semaine ou aller faire régulièrement. Et moi aussi, c'est ce que je faisais quand j'étais au plus profond de la maladie, des analyses de sang régulières et des analyses cardiaques et pour checker que, genre, j'étais pas en danger, etc. Et ben voilà, et ça passe par si à avoir des professionnels de santé, avoir la chance de pouvoir s'entourer de personnels de santé qui comprennent ou qui soient à l'écoute. Et par exemple, bah, aussi, bah, moi, mon médecin, il a pu me faire une ALD, donc une affection, comme on dit. Attestation d'affection de longue durée. Attestation d'affection de longue durée. Du coup, bah, je sais pas, enfin, si tu veux, je sais pas exactement ce que ça permet en vrai, mais... En fait, c'est des attestations qui sont utilisées pour, du coup, tout ce qui va être catégorisé comme maladie chronique. Petite parenthèse, mais pas des moindres, la transidentité est encore traitée par le système de sécu actuel comme une affection longue durée, donc une maladie chronique. Voilà, ce qui est intéressant, ma foi. Ce qui est la seule façon hein, qu'on ait de se faire rembourser par la sécurité sociale. C'est-à-dire que on a le choix si on paye, mais sinon on n'a pas le choix. Voilà, donc moi personnellement, là je suis sous LD pour 5 ans, en sachant très bien que si j'étais moins privilégiée et que mes parents n'étaient pas là pour moi en cas de besoin... je me verrais très potentiellement refuser des prêts à la banque, par exemple, comme toute personne qui a donc une ALD, ce qui est donc de base une discrimination extrêmement violente contre les personnes atteintes de maladies chroniques, hein, sous-entendant on ne sait pas si vous serez là demain, donc on ne vous fait pas de prêt, en fait. Ce qui n'est pas illégal, y compris comme justification, hein, à poser comme telle, et qui est discriminant de base, et de plus est donc étendu à des configurations comme la transidentité, qui n'ont absolument aucun rapport avec une forme de maladie ou d'affection quelconque. Voilà, tout ceci étant extrêmement problématique. Tout ça pour dire que donc les ALD, attestation d'affection longue durée, permettent de... En fait, c'est un papier à faire remplir par le médecin traitant qui, pour chaque type de maladie, va, en fait, présenter tous les actes médicaux et ou chirurgicaux qui peuvent être liés à cette affection. Et, en fait, le médecin traitant coche ou ne coche pas toutes les cases de traitement en fait qui peuvent être compris dans la prise en charge de cette affection et tout ce qui va être coché par le médecin traitant sera pris en charge à 100% par la sécu pendant 5 ans. Du coup moi ça m'a été utile ouais pour certaines thérapies etc et après bah par exemple là je vais commencer mon dossier AH et il se pourrait, alors j'ai pas vraiment la confirmation de ça, mais le fait d'être déjà sous ALD c'est un truc que je peux déjà mettre en avant pour avoir plus de chances d'avoir du coup l'allocation pour adultes handicapés. Voilà, et oui du coup aussi rappel par rapport au fait que la transidentité puisse être encore sous ALD, c'est pas, enfin en fait il y a bien des souffrances liées à ça, mais c'est pas lié à la transidentité, mais bien à la transphobie. Mais bon, c'est pas comme ça que le voit l'État, mais genre c'est comme ça qu'on peut l'interpréter pour toutes les personnes qui ont, qui ne se sentiraient pas forcément légitimes, enfin, ou qui n'auraient pas envie de recourir à ça, parce que pour pas verser dans le discours, la transidentité a est forcément source de souffrance. On peut aussi considérer que c'est au moins une rétribution pour toute la transphobie quotidienne subie. Voilà. Après, il y a une autre rubrique, enfin, du coup, je continue, qui, en fait, donne des idées pour, dans le fanzine pour réduire les risques. Je propose qu'on lise pas tout parce que ça va être long et que ça peut être, bon, voilà, un peu redondant et tout. Mais il y a plusieurs exemples comme, bah, du coup, des choses qui peuvent faire des effets en termes de douleur, brûlure, etc., sans que ça soit trop dangereux. Je vous invite à lire le fanzine. Après, comment prends-tu soin de toi? Tu mérites de l'amour, du respect et de l'affection pour ce que tu es. La première personne qui doit s'occuper de toi, c'est toi-même. Oui, bon, c'est un peu facile. Prendre soin de soi peut être difficile. Tu dois d'abord trouver qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité. C'est comme une chasse au trésor. Tu vas tomber sur pas mal de déchets. Continue à chercher. Le seul critère est que ça te fasse, entre parenthèses, parfois, te sentir bien. Il est très important que tu prennes soin de toi, pas uniquement quand tu te sens mal. Est-ce que tu ne boirais de l'eau qu'avant de mourir de déshydratation? Il serait peut-être trop tard. L'eau ne pourra peut-être plus t'aider à ce moment-là. Une posture personnelle d'attention peut être très utile. Et ce qui est assez difficile, justement, avec les mal-être psychiques, parce qu'on a l'impression qu'on veut toujours pousser plus. L'attention signifie que tu cherches et trouves toi-même, et que tu trouves dans toi-même ce que tu veux et ressens. Es-tu fatigué, en colère? Tes limites sont-elles violées, dépassées? La plupart des choses sont beaucoup plus faciles à gérer, à influencer lorsqu'elles sont toujours petites. Donc là, je refais un aparté pour préciser que, bah ouais, c'est toujours plus difficile quand on fait aussi partie de minorité qu'on nous apprend à prendre toujours plus sur soi aussi, et qu'on vit dès l'enfance beaucoup plus de violence et de souffrance, etc., que ça soit physique ou psychique. Je refais la distinction parce qu'elle est toujours là socialement, et que c'est vraiment pas facile. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal, enfin, qui ont à capter, bah, par quelles émotions elles passent, et qui passe par des émotions vraiment vraiment très différentes et très variées en un temps très court. Du coup, voilà, faut reconnaître aussi cette difficulté là. Et donc après, elle donne des conseils de collecter, enfin, des choses et des listes d'activités qu'on aime, et ça finit par dire: la guérison est un processus quotidien difficile, une série de questions et de choix infinis, une compétence qui n'est pas enseignée, encore moins reconnue dans notre culture. Donc toujours de Inga Mushio de Slash and Burn. Et ensuite, la rubrique suivante, pas de quoi avoir honte, si tu veux lire. Se blesser est quelque chose dont on parle rarement. Il y a beaucoup de honte autour de ce sujet. C'est sans doute une bonne idée de réfléchir soigneusement sur qui doit être au courant que tu te blesses et qui ne devrait pas l'être. Certaines personnes ont une compréhension plutôt superficielle de ce qui se passe et ne pourront pas vraiment vous aider. Mais ne te juge pas pour ce que tu traverses. Certaines choses sont censées être plus honteuses que d'autres. Pensez à la personne qui se fait mal pour garder le contrôle et à la personne qui est agressive envers son, sa conjointe, ses enfants, ses employés pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est honteux. Les comportements ne sont pas pathologisés de la même manière, selon qui les affiche et selon les normes auxquelles l'entourage est habitué. Parfois, se faire mal est le moindre des maux. Quand vous ne pouvez pas utiliser l'outil dont vous avez besoin, vous utilisez l'outil que vous avez. Les paradigmes simplistes comme vrai, faux, souhaitable, non souhaitable, sain d'esprit, fou, n'aident personne. Se faire mal a toujours fait partie de l'expérience humaine. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. Et ça me fait penser à plein de trucs, à la fois genre le lien avec ce qu'on disait, enfin, quand on dit que les comportements ne sont pas pathologisés de la même manière selon qui les affiche. C'est aussi ce qu'on disait par rapport à la consommation de substances, que l'addiction à la clope est pas pathologisée de la même façon que d'autres choses qu'on ingurgite, et notamment l'alcool, et que certaines substances sont vues comme, voilà, et pas n'importe quel alcool selon qui le consomme, dans quel contexte social, est-ce que c'est seul ou pas, peu importe comment on y réagit, etc. Et pareil, ça me fait penser aussi dans les comportements, bah, à la violence et qu'est-ce qui est estimé violent et quelle violence est estimée légitime ou pas, genre comme la violence de quand t'en peux plus et que tu casses dans la rue et qui est décrédibilisé par les médias, etc. Et du coup, pour moi, bah, c'est un peu la... On peut faire plein de liens avec ça. De la même manière que, bah oui, tout ce qui est automutilation, c'est considéré comme pathologique et mauvais. Et en même temps, il y a plein de gens qui prennent d'autres types de risques ou qui adorent les sensations fortes. Et ça, ça bah, selon les sensations fortes recherchées et tout, c'est... Alors que quelqu'un qui porte sur soi des marques, bah, ça renvoie tout de suite au fait qu'il y a quelque chose au final qui va pas aussi dans notre société. Et je pense qu'il y a vraiment que ça rejoint les gros dénis et les tabous sur le fait bah, qu'en fait, tout le monde ressent aussi des mal-être à des moments et voit bien qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas et qu'en fait, on n'arrive pas à l'accepter. Et qu'on, enfin, c'est un peu genre, nous, on voudrait, enfin, on supporte pas tout ce qui enlève le vernis de tout va bien dans le meilleur des mondes, en fait, aussi. Enfin, je sais pas, je pars un peu loin, je pense, mais. Je parle pour ma commu de gens un peu brisés, qui rayonnent entre les rayures, les rayons désordonnés de vos ordures. Pour celles-eux dont le cœur est bancal, et celles-eux qui craignent qu'on ne les avale. Pour les 1000 projets en intervalle, qu'on fait, qu'on laisse ou qu'on remballe. Tous celles-mêmes qui, même en elles-eux, ont toujours peur de prendre l'espace. Celles-eux qui ne savent pas trop comment vivre, que la performance a rendu ivre. Qu'on enjambe et rarement ramasse, qu'on trouve fun sur les planches à l'écran, juste à distance de la mélasse. Juste en errance, dans leur crevasse. Non, enfin, je trouve que c'est très intéressant et je... Simplement, au risque d'enfoncer une porte ouverte, enfin, je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et simplement, oui, au risque d'enfoncer une porte ouverte, pour moi, la limite étant de... Effectivement, quand on commence à atteindre les autres et à pratiquer des violences sur les autres... quelles que soient leurs caractéristiques, là, ce n'est plus de l'ordre de tu gères comme tu veux, comme tu peux, non. Parce que tu impliques quelqu'un d'autre et que tu infliges la violence à quelqu'un d'autre, quelqu'un une d'autre, et ça, c'est jamais ok. Mmh. Voilà. Mais que c'est pas forcément... Enfin, qu'il y a plein de raisons, en fait. La violence, elle est là, tu la prends, et il y a... Enfin, et les substances, comme les comportements ou quoi, enfin, ne sont pas les... ce qui... te pousse à les faire, enfin, mais sont juste des choses qui, bah, parfois, genre, oui, peuvent désinhiber et jouer, mais de la même façon que tout un tas d'autres facteurs. Et pas oublier que le problème vient du système. Donc là, après, il y a des exemples de rituels qui incluent de s'infliger des blessures ou de la douleur, donc comme la cérémonie de la danse du soleil, qui était pratiquée par de nombreux peuples natifs américains et des Premières Nations. Pareil, je développe pas, je vous invite à aller lire le fanzine, il y a des sources aussi indiquées. Et j'avais juste envie quand même qu'on parle, avant de clôturer ce podcast, de ce qu'on disait hier, de ce qu'on définissait aussi comme le masochisme et les différentes interprétations et définitions qu'il y en a. Et que pour beaucoup de gens, en fait, il y a plein de façons différentes, enfin, ça englobe plein de réalités différentes, pas de chercher la douleur ou pas, etc. Et que souvent, on voit ça comme juste le fait d'aimer... souffrir, alors aussi pour beaucoup de personnes, le masochisme, c'est en fait le fait de différer le soulagement ou le plaisir, et alors pour plein de raisons différentes, de pas vouloir se l'octroyer, et du coup, une autre forme d'addiction à genre l'absence en fait de ça, et de hantise de genre, consommer ce plaisir ou d'être dedans, et tout comme tout un tas de pratiques d'assaise, et en tout cas, moi, dans bah, du coup, les pratiques de masochisme que j'ai pu avoir avec notamment les restrictions alimentaires, etc., c'était exactement ça. De même que, genre, les rapports que j'ai pu avoir addictifs au travail, etc., etc., ou les restrictions de sommeil, ou des choses comme ça, ou le sport décuplé, etc., qui était, genre, tout le temps le fait de différer le moment de relâchement, d'endorphine, etc., etc. Et qu'on retrouve dans certaines pratiques BDSM ou quoi, mais et qui, encore une fois, n'est qu'un cas, enfin, qui n'est pas une généralité. Après, enfin, il y a une petite rubrique, se faire mal n'est pas le problème. Certaines personnes te diront que de se faire mal, c'est mal, mal, mal. Qu'en penses-tu? Je pense que la plupart des choses ne sont ni bien ni mal. Ça dépend des besoins d'un humain, particulier à un moment spécifique. Souffrir est mauvais. Et la souffrance est accrue quand il est interdit de parler ouvertement d'automutilation. Se faire mal est un mécanisme d'adaptation. Je suis convaincue que dans certains cas, ça permet à la personne de rester en vie. Beaucoup de mécanismes d'adaptation ont un inconvénient. Ça n'a rien d'extraordinaire. Se faire mal n'est pas le problème. Le vrai problème est ce qui te pousse à le faire. Se faire mal peut être un point de départ. C'est ce que tu as trouvé pour te permettre de t'adapter là maintenant. Il y a peut-être plus de choses et encore plus efficaces pour t'aider à t'adapter. Le but n'est pas nécessairement d'arrêter de se faire mal. Le but est que tu puisses te sentir mieux. Ce qui peut impliquer d'arrêter de se faire mal ou pas. Ça implique de trouver des choses qui te plaisent. Ça implique de prendre soin de toi du mieux que tu peux. Et là, on peut peut-être juste lire le début, après je crois que ça donne des exemples. Qui décide de définir ce qui relève de l'automutilation ? Plutôt que de laisser des professionnels définir pour toi ce qu'est l'auto-blessure ou ce que ça n'est pas, tu peux explorer ton expérience toi-même. Les questions suivantes peuvent t'aider à découvrir ce que l'auto-blessure te fait. Ce n'est pas un test diagnostique d'aucune sorte. Ces questions sont seulement pour toi. Si tu te sens mal par rapport à une question, laisse-la. Si tu veux, tu peux y revenir plus tard, tu peux réfléchir pourquoi ces questions te font te sentir mal, mais ne te force pas à le faire. Bon, après, ça décrit les modalités de réponse au questionnaire, et effectivement, il y a une suite de questions. Peut-être qu'on peut donner genre 2-3 exemples. Comment on définit donc se faire mal, comment te sens-tu par rapport au fait de t'auto-blesser, par exemple, ou encore comment te sentais-tu après t'être blessé. Y a-t-il une différence entre comment tu te sens directement après et quelques temps plus tard? Ou encore, y a-t-il des choses que tu ne veux pas? Qu'est-ce qui vient en premier lorsque tu penses à ton corps? Qu'est-ce que tu aimes à propos de ton corps? Ouais. Et du coup, ouais, y a plein de questions, mais pour situer le groupe Icarus, en fait, il donne justement plein d'outils de questionnement, etc., pour diffuser dans plein de groupes et organiser des cercles de parole, enfin, des choses qu'on peut faire soi-même. Donc, si on veut mieux comprendre tout ce qui est lié à la santé mentale, etc., pour soi-même ou pour en discuter avec d'autres. Et du coup, c'est des outils vraiment à faire circuler, en fait, le plus possible. Il y a une autre proposition d'outils, par exemple. Donc, ça s'intitule « Les corps sont les paysages de qui nous sommes ». Tu peux dessiner ton corps, juste le contour, si tu as une grande feuille de papier. Tu peux attacher plusieurs petites feuilles ensemble. Tu peux t'allonger dessus et laisser quelqu'un tracer ton contour sur le papier avec un crayon de couleur ou un marqueur. Tu peux alors le remplir avec des symboles pour les choses qui sont importantes pour toi. Par exemple, tes centres d'intérêt, tes rêves. Tu peux marquer les endroits blessés ou douloureux. Tu peux utiliser différentes couleurs selon la manière dont tu ressens ton corps. Par exemple, rouge égale j'aime cette partie de mon corps. Bleu, je n'aime pas cette partie de mon corps. Et ça, c'est effectivement un outil qui est très utilisé, par exemple, aussi pour les personnes qui font de la dysmorphophobie, qui n'arrivent pas à voir le contour de leur corps, qui dessinent comment elles se voient et qui, après, en fait, se mettent genre dans ces contours-là pour voir la différence. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé en faisant un fanzine quand je cherchais à comprendre comment mon corps fonctionnait par rapport à la sexualité. Pour voir un peu comment je me situais là-dedans, quelles étaient les parties qui étaient ok ou pas pour moi. Et je pense que c'est aussi un outil qui peut du coup être donné par exemple à des potentiels partenaires sexuels aussi, pour dire en fait quelles parties sont ok ou pas, comment on se ressent, etc. Enfin voilà, ou même à ses amis sur tel endroit, genre c'est ok de me faire un câlin ou pas. Enfin voilà, c'est une petite extrapolation. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire je pense qu'on pourrait déjà demander aux gens alliés d'aller se renseigner, oui, de diffuser ce genre de fanzine, ces témoignages, de ne pas stigmatiser les gens et les personnes, la famille. Enfin, en fait, ça sert à rien, comme pour tout autre comportement que vous estimez marginalisé, déviant, stigmatisant ou quoi, d'addiction ou quoi. Mais en fait, ça sert à rien de demander aux gens d'arrêter. De leur imposer des entre guillemets soins de force, parce qu'en fait ça peut être des trucs de soins et ça peut être encore pire. Enfin, c'est ce qui a engendré ça qui est le problème, en fait, et si les personnes n'ont pas envie d'en parler, c'est aussi ok. Enfin bref, voilà, c'est un peu en vrac. Je sais pas si toi tu non je trouve que dire. Ce que tu qui est très juste et je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. J'ajouterais simplement que parce que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir beaucoup et que finalement on ne parle bien que de ce qu'on a vécu, je pense. En fait, simplement, on n'a pas à se définir par les termes psychologisants, psychiatrisants ou médicaux, comme par exemple, alcoolique ou addict à telle substance, pour être une personne concernée. En fait, on peut tout à fait ne pas s'identifier à une catégorie qui d'ailleurs dont la définition ne devrait appartenir qu'aux personnes concernées, ce qui n'est malheureusement pas le cas, mais y compris on n'a pas à être fixé sur comment on se situe par rapport à des problématiques vis-à-vis de quelques addictions ou comportement qu'on se dit peut-être addictif parfois, ou enfin tout ce que ça peut inclure dans toutes ces déclinaisons. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne concernée, et à partir du moment où vous vous sentez concerné, vous l'êtes, et il n'y a pas à savoir comment on se définit pour pouvoir échanger sur ces sujets et se sentir concerné. Demain est un autre jour, mon amour, on sait jamais. Peut-être que notre histoire, toujours, tout d'un coup s'arrêterait. Mon cœur avec, ça c'est sûr. Sans toi, je sais pas où je vais. Tu me connais, je peux jouer au dur, sans jamais longtemps tenir. Le temps peut creuser mes blessures, mais t'as toujours su les couvrir. T'es toujours au rendez-vous, quand je peux même plus parler. Tu lis en moi comme dans un livre, quand je sais plus articuler. Parfois, tu me fais du mal. Ça, je peux pas le nier. Mais tu sais, y a qu'avec toi que je peux me laisser aller. Sans honte et sans regret, jamais tu ne m'as jugé. Tu es tellement rassurant, même pas besoin de tester. Je me donne corps et âme, je suis à toi tout entier. Chaque fois que je te goûte, je suis un peu plus léger. Chaque gorgée, chaque goutte, de mes chaînes me délivrer. Vas-y, prends-moi comme jamais. Hésite pas, j'attends que ça. Tes souhaits seront mes ordres, et si j'ose désobéir, je te donne le droit de me mordre, voire même pire, fais-moi jouir, et achève-moi juste après. C'est vrai, j'ai peur de mourir, mais avec toi c'est sans regret. Pourquoi je te dis tout ça? Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai pensé qu'il était temps de ma flamme te déclarer. J'étais faible, j'étais jeune, tu étais presque une évidence. C'était, je sais pas, ce qu'on appelle la providence. T'as été sage, patient. Tout le temps, tu m'as laissé. Et de pourcent en pourcent, dans tes bras, je suis tombée. Pas tout de suite, pas si vite. Mais à ton charme, j'ai succombé. Et maintenant, je suis pris de tremblement quand tu viens à me manquer. Et est-ce qu'on a des recommandations culturelles? Alors, moi, je recommanderais bien un ouvrage, alors avec quelques réserves de beaucoup, beaucoup de content et trigger warning. C'est un ouvrage qui traite notamment de d'agression de manière très très violente, enfin dans les propos. Mais c'est un ouvrage qui traite aussi beaucoup de d'addiction. Sous plusieurs formes, et que j'ai trouvé intéressant dans ce sens, qui s'appelle Sous le règne de Beaune, voilà, dont le nom de l'auteur m'échappe, mais que vous trouverez en tapant le titre exact. Ouais, je mettrai dans la description. Voilà. T'en as d'autres ou... Et est-ce que j'en ai d'autres? Je réfléchis. Enfin, je peux donner les miennes. Non, ouais, donne les tiennes. Après, bon, en termes de. Donc, oui, l'auteur de Sous le règne de Beaune, c'est. Ou l'autorice. C'est l'auteur, ouais. Auteur. Russell Bintz. Moi, ce que je recommanderais déjà, c'est la page Insta des Folies Passagères. qui à base de dessins et de témoignages, en fait, donne plein de choses sur la santé mentale de manière générale. Bien sûr, d'aller sur Infocus voir ce fanzine et toutes les sources qu'il y a déjà dans ce fanzine. Aussi d'aller sur Zinzinzine, il y a plein de choses sur la santé mentale et aussi sur ces sujets-là. En termes de série, je sais pas si... En fait, j'ai peur de dire qu'elle est... Enfin, de recommander quelque chose sans être trop... Enfin, assez concernée pour vraiment pas voir qu'en fait, ça peut être très, très trigger. Mais je sais qu'il y a des personnes concernées qui ont trouvé ça très bien fait. C'était Sharp Object, la série, qui parle à la fois d'automutilation, d'addiction, etc. Enfin, on parle personnage d'Amy McAdams. Enfin, incarné par Amy McAdams. Et... bon, c'est assez, enfin, apparemment, c'est réaliste. Et en tout cas, moi, dans la détresse et dans la manière, mais dans la manière dont cette personne, en fait, pâlit et est quand même consciente et gère son truc, enfin, tout m'a touchée, en fait. Et c'était un moment où j'étais dans d'autres pratiques moi-même autodestructives, pas exactement les mêmes qu'elle. Mais en fait, ça m'a énormément touchée, cette série. Mais après, je sais pas si d'autres personnes qui feront ces pratiques-là, s'y reconnaîtraient. Voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes. Pareil, la série The Away, en fait, n'en parle pas directement, mais pour tout ce que ça renvoie de pathologisation, de santé psy par rapport à l'enfermement, par rapport à plein de choses, j'ai vu en confinement, ça m'a beaucoup touchée, tout comme la série Euphoria sur les addictions, et je crois qu'il y a aussi des parties sur l'automutilation. Est-ce que t'as retrouvé autre chose ou... Oui, alors sur du coup un point... un peu plus spécifique de cet échange sur l'aspect de la tendance à quantifier et à catégoriser les types de mal-être psychique et le temps qu'on doit consacrer à chaque chose, etc. Enfin, en fait, les réflexions sur comment globalement on traite les mal-être psychiques et la santé mentale en France. Et sur justement le fameux DSM dont on parlait tout à l'heure, il y a un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle, alors je n'approuve pas le titre, qui s'appelle L'homme selon le DSM de Maurice Korkos, mais qui est très intéressant sur justement toutes ces questions de où on place la limite entre mal-être socialement accepté, pas socialement accepté, pathologisation mentale somatique ou finalement quelque chose de l'ordre de la volonté qu'on devrait pouvoir affirmer. Enfin, voilà, qui pose beaucoup de choses là-dessus. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé. C'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.